nerfs grave encore hier. Le soir avant de dormir, je fais ma petite prière. Je sais tout ce qu'il me reste à faire pour rendre les miens fiers. Je suis en train de chercher l'inspire, pète et part en cuillère. Les petites Salomon avec le bonnet, la veste millée. Mon bébé, elle sent le bonbon, j'sens son cœur vibrer. Tout ce que j'ai vécu, t'inquiète, mes yeux, ils sont filmés. Ils se rendront compte de l'ampleur le jour où j'm'en irai. Comme tu fais, on te fera. Y'a le beau temps après l'orage. T'as parlé mal, on se raille, pour le reste, on verra. Sans rigoler, faut les dollars. 20 points la Daytona. Faudrait partir de là, la la la la la la la la la la la la la. Quand y'a les bas, tu fuis, t'es là. Quand y'a les hauts, des tas d'épreuves, moi j'vois même plus les frérots. J'suis qu'un humain, j'esquive pas les balles comme Néo. Ils veulent faire la pluie, le beau temps, ils se prennent pour la météo. Dis pas ce que tu ressens, ça va te prendre pour un fou. Dis pas mon sang, dis pas mon sang. Je te vois, tu joues partout. Franchement, je t'aimais bien, mais t'es devenu une super buteuse. Tu fais de couille en couille, je trouve pas que c'est un super buteux. Je t'aime bien, mais fais pas le fou. Je sais très bien ce que je dis, je me fais pas de film. Je suis dans un tunnel où je vois pas de fin. Je t'aime bien, mais fais pas le fou. Je sais très bien ce que je dis, je me fais pas de film. Je suis dans un tunnel où je vois pas de fin. Comme tu fais, on te fera. Y'a le beau temps après l'orage. T'as parlé mal, on se raille, pour le reste on verra. Sans rigoler, faut les dollars. 20 points la Daytona. Faudrait partir de là, la la la la la la. Comme tu fais, on te fera. Y'a le beau temps après l'orage. T'as parlé mal, on le sera, et pour le reste, on verra. Sans rigoler, faut les dollars. 20 points la Daytona. Faudrait partir de là, là, là.